Chapitre 36e. À toi pour toujours. Mais un jour, un gendarme apparut au Ravenel. Le gendarme est un brave homme qui n'a rien de poétique et qui ne comprend rien à la poésie. Son arrivée au Ravenel devait avoir pour résultat, en effet, de couper les ailes à toute poétique idylle, de faire envoler la légende de la fée. Le bon gendarme apportait un pli pour le sergent. Ce pli venait du ministère de la guerre. Il disait au sergent que son congé, plusieurs fois renouvelé, expirait, et que le ministre lui enjoignait de regagner son corps. Jacques s'attendait à cet ordre du ministère de la guerre. Il ne fut donc pas surpris. Jacques se montra content d'aller reprendre la vie qu'il aimait, de courir la brousse, de se battre, de dépenser sa vaillance, sa force, sa vie pour le pays. Mais il fut triste de quitter celle qu'il adorait. Cependant, il devait se montrer courageux. Homme, soldat. « Je dois faire mon devoir, je le ferai. » Et il se disposa à partir. Néanmoins, au Ravenel, une inquiétude venait de naître, une anxiété extrême. Qu'allait faire Madeleine quand son ami Jacques ne serait plus là? Comment lui apprendrait-on le prochain départ? Le père Porfilet, les vieux Dalmet, Charles et sa femme, Jacques lui-même, cherchèrent le moyen d'annoncer ce départ à la démente sans lui causer de secousses, de frayeurs, de mal. Les médecins avait bien recommandé de ne jamais exposer la malade à une commotion quelconque. « Ce n'est pas seulement sa raison qui peut totalement sombrer, » dirent-ils, « c'est sa vie elle-même qui est menacée. » Pendant qu'on discutait à la ferme sur les précautions à prendre pour annoncer cette nouvelle à Madeleine et la façon dont on s'y prendrait, le petit Fernand se trouvait avec la jeune femme dans le jardin. Lui, le pauvret, avait entendu que son oncle Jacques devait repartir, aller se battre contre les Chinois. Mais il ne se doutait pas de l'impression que cette nouvelle pouvait produire chez Madeleine. Tout simplement, il dit à la jeune femme, « Tu ne sais pas qu'un gendarme est venu à la maison ? Un gendarme ? Non, ma mignonne. » Pour dire à Jacques qu'il doit partir, Madeleine s'écria, « Partir ? Tu dis que Jacques va partir ?» Et abandonnant l'enfant étonné de l'effet produit par ces paroles dont il ne devinait pas la portée, elle courut vers la maison, appelant, anxieuse, « Jacques ! Jacques ! » Affolée, essoufflée, elle entra dans la pièce où se tenaient réunis le père Porfilet et les Dalmet. Chacun, pris d'angoisse, la regardait. La course avait mis à ses joues un peu de rose qui tranchait sur la pâleur générale de sa figure. Les yeux bleus semblaient plus grands. Ils avaient une lueur que ne leur connaissaient pas les fermiers. Ils avaient un tout autre regard. « Elle est tout à fait folle maintenant, » pensèrent ces braves gens alarmés, « ou bien sa raison commence à revenir. » Ils attendaient, pris par une angoisse indicible, la fin de cette poignante scène. Madeleine vint à Jacques. Le sergent s'était levé à son entrée. Lui vraiment était pâle, il tremblait. Il vivait en ce moment la minute la plus pénible de sa vie. Madeleine lui prit les mains. « Est-ce vrai ? » lui demanda-t-elle vivement, et ayant peine à parler tant son émotion était violente. « Est-ce vrai, Jacques, que tu dois partir, que tu t'en vas ?» Madeleine, tour à tour, selon ses impressions du moment, disait-vous à Jacques ou le tutoyait. Elle insista, demandant encore, « Voyons, est-ce vrai que tu t'en vas ?» Jacques hésitait, ne sachant vraiment que répondre. Un problème étrangement passionnant se posait en effet à lui à cet instant. Devait-il ou ne devait-il pas répondre à Madeleine ? Devait-il lui dire la vérité ? Ou fallait-il lui faire un mensonge ? Précisément, tout à l'heure, à l'instant, longuement, on venait de discuter, de débattre la conduite à tenir dans cette circonstance, ce qu'on allait faire pour éviter à Madeleine une commotion trop forte, dont les docteurs avaient fait redouter les terribles conséquences. Et aucune résolution n'était encore prise, rien n'était enfin arrêté, quand l'entrée de Madeleine interrompit l'entretien. Que devait répondre Jacques ? « Madeleine, commença-t-il, écoutez-moi. « Non, non, fit la démente, je ne veux t'écouter que si tu réponds à ma question. » Et de nouveau elle demanda, « Jacques, est-ce vrai que tu pars, que tu t'en vas ?» Doucement alors le sergent répondit, « Ma chère Madeleine, vous savez que je suis soldat. Oui, soldat. Donc, je ne m'appartiens pas. Je me dois à mon pays. Je fais partie d'un régiment. J'étais en congé seulement ici, en congé parce que j'étais souffrant, malade. Mais à présent, je vais bien, je suis guéri, on me réclame là-bas. Alors c'est vrai, tu t'en vas. « Mais je reviendrai, Madeleine, je reviendrai. Et alors ce sera pour toujours. Pour toujours ? Oui. Je ne quitterai plus mon père. je ne sortirai plus des Ravenel. Je resterai ici, toujours. Tu resteras ici, toujours. Oui, Madeleine. Alors la jeune femme inclina la tête. Elle eut un doux sourire. Puisque tu seras ici pour toujours, Jacques, mon ami. Eh bien, oui, tu peux partir maintenant. Tranquille, souriante, elle s'assit à côté de Jacques, autour de la table de famille où l'on discutait. S'adressant au bon vieux qui, anxieusement suivant cette scène, Madeleine dit « Oui, Jacques peut partir, n'est-ce pas, grand-père, puisqu'il restera, après, ici pour toujours. » Évidemment, Madeleine ne s'en rendait pas compte de l'absence. Un des signes caractéristiques de la folie est le défaut de la notion du temps. Les fous ne voient ni l'espace ni le temps. En effet, pour en avoir la notion, il faudrait, comme pour les cerveaux sains, faire une comparaison. Or, un cerveau de dément ne peut établir de comparaison, ne peut juger, mesurer, apprécier. Cela demande réflexion. Et le fou, redevenu être primitif, agissant par impulsion, ne peut comparer, réfléchir. Madeleine, évidemment, avait été frappée par ce fait que Jacques s'en allait. Elle avait compris qu'elle allait être privée de son compagnon, de son ami, de son Jacques. Mais maintenant elle savait qu'il devait revenir, qu'il resterait ici toujours. Cela la rassurait. Elle ne se doutait pas du vide qui existerait entre le départ et le retour. Elle ne concevait aucune crainte, aucun chagrin. Jacques s'en allait. Bien, il pouvait partir puisqu'il resterait ensuite là, pour toujours. Dans le cerveau de la malade, ce départ et ce retour pour toujours devaient fatalement ne faire qu'un. Cela se tenait, c'était la même chose. Jacques demeura encore un jour à la ferme. Madeleine ne le quitta pas. Son instinct plus fort que sa démence, peut-être son cœur, plus vivant que son âme endormie, lui disait cependant que ce départ serait plus douloureux qu'elle ne le supposait. Durant tout le jour, elle fit répéter à Jacques qu'il reviendrait, qu'il resterait ensuite toujours au Ravenel, à la tilleuse, comme elle les appelait, et qu'il ne la quitterait plus. Le matin du départ, elle s'habilla de façon plus coquette et elle imita les Dalmais, qui, pour accompagner leur fils à la gare, avaient revêtu leur costume de dimanche. Elle aussi voulait aller à Mantes. C'était pour elle comme une petite fête. Au moment du départ, quand Jacques dut monter dans le train, Madeleine fit comme les autres, elle tendit sa délicieuse figure au sergent. Jacques hésitait. « Allons, lui dit sa mère tout bas, embrasse-la, ta chère Madeleine. » Jacques, dans ce baiser, ce premier et unique baiser, mit toute son âme. Et Madeleine lui dit encore, « Tu sais, Jacques, tu pars maintenant, mais tu reviendras pour toujours. »« Oui, Madeleine, oui. » À son père qui lui serrait tout ému une dernière fois la main, Jacques, dont le cœur éclatait, dit tout bas, « Oh, mon père, gardez-la bien, qu'il ne la prenne pas, l'autre. Sois tranquille, mon gars. » Et le vieillard dit tout bas, « Madeleine nous restera toujours. » Le train partait, ce fut heureux. On ne put voir Jacques s'effondrer en gros sanglots répétant, « Madeleine, oh ma chère Madeleine, pour toujours. » Ainsi s'achève « L'homme d'Amérique », livre second de Zygomar Bouchancœur, par Léon Sazy.